Bonjour, il est 9h, on est jeudi soir, vous vous ennuyez? Bienvenue au podcast Mac Québec. Bonjour tout le monde, quand même assez exceptionnel. On est effectivement à l'heure pile. On a commencé à 9h. Notre invité qui est avec nous, qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, on a eu beaucoup de facilité à ce qu'il se joigne à nous, tout ça. Ça s'est bien passé, pas de problème technique. Bonjour, pas de problème technique. Et Jean-François qui semble planter. Donc, je vais commencer avec toi, Vincent. Ça va bien? Tu as passé une bonne semaine, Vincent Miller? Avec nous. Ça va très bien, toi? Oui, merci. Jean-François, je pense que tu viens de déconnecter, fait qu'on va te laisser... Non, t'es là, c'est bon. Donc, Jean-François, tu as failli nous quitter. J'ai failli partir. Donc, passe une bonne semaine, JF? Oui, très bien, toi? Oui, pas mal. J'étais vraiment très, très, très occupé pour ma part. Je pense que... Ça va bien pour moi en ce moment, puis je suis en train de réécrire le bottin des artistes, mais pour moi tout seul, fait que j'ai eu pas mal de monde cette semaine. Je suis très, très, très, très content de clientèle. Et avec ouais, nous, en fait... Vincent, ça va bien? On va faire Vincent aussi, hein? Oui, bien... Ouais, pendant la phase où est-ce que tu étais déconnecté, on a fait Vincent, voilà. Ah, OK, je n'ai pas entendu celle-là, excusez, pardon. Pas de problème. Donc, se joint à nous cette semaine comme invité. On en aura un deuxième un petit peu plus tard. Fabien Major. Fabien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis un conseiller financier indépendant. Ça signifie que je donne des conseils pour aider les gens, par exemple, à accumuler de l'argent pour réaliser leur rêve, que ce soit un régime épargne-études, quelqu'un... veut acheter sa première maison ou encore veut protéger ça avec différentes assurances. Je suis dans un domaine qui a l'air plate comme ça, mais moi, je m'amuse. Et puis, comme mon premier métier, c'est dans les communications. J'étais animateur de radio avant Paul Arcand au 98.5. J'étais morning man à cette station-là. Okay. Alors, c'est ma deuxième carrière dans les finances depuis une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Là, déjà, nos auditeurs se demandent pourquoi tu es là. On va en parler un petit peu plus tard. On va faire... en fait, il y a le tirage du mois de juin qui est fait, qui va être fait ce soir. Vincent, est-ce que tu as reçu tous les emails des gens? On faisait tirer le Gorilla Mobile Ori. Tu m'as-tu envoyé le courriel? Non, absolument pas. Je vais faire le décompte manuellement. OK, parfait. Donc, on va faire ça. Donc, c'est ça. En fait, pour l'instant, c'est le dernier concours qu'on avait. Ça fait 3 mois qu'on avait des choses à donner. Pour le mois de juillet, Alexis, on va prendre une petite pause que tu pour ton l'instant. Son son est trop bas? Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Un ajustement automatique qui se fait. Mais si je parle plus proche comme ça, probablement qu'on va m'entendre mieux. Voilà le concours du mois de juin. Donc, on va laisser... et là, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle dans notre podcast. On va laisser Vincent... C'est chez Fabien qu'on fait la vaisselle. C'est chez Fabien qu'on fait la vaisselle. Mm-hmm. Donc, on vous invite à envoyer votre vaisselle chez Fabien. À la vaisselle suivante, voilà. Donc, coup d'ose. On va faire le tirage. On va laisser le temps à Vincent, évidemment, d'écrire les noms et on va faire le tirage un petit peu plus tard. Coup d'ose. JF, est-ce que tu avais quelque chose à proposer là-dessus? Non. C'est ouais, pas toi? Moi, je... Ouais. Ah, ben, c'est Fabien, tu en as-tu un? Ah non? Oui, je suis là. OK. Moi, je voulais parler cette semaine. Ça a fait un gros tollé cette semaine sur les médias sociaux au début de la semaine. Je crois dimanche soir, ça a commencé et ça a monté en flèche lundi matin. Facebook, qui, sans nous avoir avertis, ont changé par défaut nos emails. Que, mettons, comme moi, c'était jfroy1979a. atme.com et maintenant ils ont mis jfroy1979@facebook.com. C'est une adresse qui existe depuis un bon moment. Là. Ça fait peut-être un an qu'on a tous eu une adresse facebook.com et que personne, évidemment, l'utilisait. Oui. Ça s'en va directement dans notre inbox là, avec la boîte, comment ils appellent ça, là, tout ensemble. Oui, c'est ça, Messenger, mais bon, ils l'ont tout mis ensemble. Et effectivement, là, ils ont changé. Mais il y a une méthode pour aller changer, je pense, l'email. Il y a une méthode que vous pouvez trouver sur Internet ou que je vais vous donner le lien tout de suite sur le chat, si vous ne l'avez pas fait, parce que moi, je vous suggère d'aller le faire parce que avec ce que Facebook fait, ils avaient mis aussi sur les téléphones mobiles la fonction d'aller chercher des nouveaux amis qui sont alentour de toi. Okay. Fait que c'est du monde que tu connais pas, qui se promène avec ton téléphone, avec le GPS, reconnaît qu'une personne a son adresse facebook.com et allait chercher ça. Mais si la personne profil, il voulait t'envoyer un message, il voulait t'écrire à partir de ton email, t'envoyer ça sur Facebook. Fait qu'on sait qu'il y a des robots chez Facebook qui lient les courriels et qu'ils prennent des portions de messages, puis là, ils font des analyses, puis hop, pouf, qu'est-ce qui arrive plus tard? On reçoit de la belle pub de qu'est-ce qu'on a parlé dans nos courriels. Fait que c'est un peu ça qui te dérange. C'est comme ça avec Gmail. C'est comme ça avec Gmail, de toute façon. Gmail aussi. Mais il faut comprendre aussi que dans le cas de Facebook, ils ont besoin de rentabiliser. Là, l'entrée en bourse a été faite. Là. Il y a des grosses, grosses, grosses attentes sur le site de Facebook. Oui, ça descend. Ça a descendu pas mal. Hein. Ils ont perdu de leur capitalisation boursière assez solidement. Il y a-tu quelque chose comme 100 milliards à 60? Oui, c'est ça. Donc, c'est 40 % de perdu. Là. Si tu as mis tes REER là-dedans, pas une bonne idée. Là. Non, c'est ça. Non, c'était pas une bien bonne idée, en effet. Justement, parlant de ça, est-ce qu'en ce moment, là, on a vu cette semaine, il y a Microsoft qui a acheté Yammer, qui a acheté Skype pour une somme complètement ridicule, 8 milliards. Instagram qui a été acheté par Facebook pour, je me souviens plus, c'était 1 milliard de dollars, mais ça donnait quelque chose comme 70 piastres de l'utilisateur. Pinterest qui a été acheté pour 274 $ l'utilisateur. En tout cas, Mais Yammer, c'est ça par Microsoft, je l'ai mentionné au début. Pour toi, Fabien, est-ce qu'il y a une nouvelle bulle technologique en ce moment? Il y en a une, certainement, parce que tout est relatif aux revenus. Quand on veut savoir si une action d'une compagnie est bien évaluée, là, on va prendre le cas d'Apple. C'est très, très simple. Dans le cas d'Apple, si on exclut le cash, la compagnie se vend 10 fois ses profits. Je vais mettre ça en perspective comme si c'était un immeuble à revenus. Vous achetez un 4 logements, puis dans le 4 logements, il y a des locataires qui vous versent à tous les mois un loyer, et puis vous avez des frais, des intérêts, puis votre 4 logements, vous retirez par exemple 17 000 par année. Okay. On peut faire un multiple, puis on dit dans combien de temps je vais rentrer dans mon argent. Alors si j'ai 17 000 de revenus, puis je paye ma bâtisse, quelque chose comme, 20 fois les revenus, ben à 340 000, ma bâtisse, elle a peut-être du sens. 20 fois les revenus. On calcule ça comme ça, savoir si une action est à bon prix. Puis okay. Dans le cas de Facebook, quand l'action a été émise, c'était 100 fois. Ça okay. veut dire que mon 4 logements, il se vendait à peu près 2 millions pour 17 000 de revenus par année. Ça n'avait aucun okay. sens. Okay. Dans le cas d'Apple, le multiple est à peu près de 10. Ce qui fait que mon 4 logements, je le paye quelque chose comme 170 000. Alors, on comprend tous que c'est vraiment un gros bargain, l'action d'Apple en ce moment aux alentours de 565 $. Puis dans le cas de Facebook, c'est encore trop cher. On dit que sa valeur réelle concernant ses bénéfices, ça serait peut-être quelque chose comme aux alentours de 3-4 piastres l'action. OK. Bon, donc okay. Il y a effectivement, en fait, pour certains trucs, il y a effectivement une bulle. Oui. Dans le cas des médias sociaux, il y a comme une bataille que se livrent les grands pour acheter des utilisateurs. Et évidemment, cette bataille-là ne peut pas durer très, très longtemps parce que le contexte économique ne s'y prête pas. Il n'y a pas beaucoup de cash pour le capital action pour les nouvelles entreprises. On dirait que dès qu'il y a quelque chose qui émerge, on a vu avec Instagram 8 employés sortir à 1 milliard. C'était complètement cinglé. Hein. Wow! OK. En fait, c'était intéressant. Puis on a comme. La dernière chose avant de passer à l'entrevue avec M. Major, c'est Jean-François, tu voulais nous parler de l'EMAC? Oui, je veux vous parler. J'ai un un coup de dose aussi. Ah oui, vas-y. En fait, c'est une expérience personnelle que j'ai eue avec Belle. Dean, il a vu passer ça sur Twitter. Mais en fait, je me suis fait couper mon cellulaire pendant la nuit de il y a deux jours. En fait, j'ai rencontré rapidement l'histoire. Mais ce qui est arrivé, c'est que il y a eu un transfert. Ma mère, mon cellulaire était sous le nom de ma mère au départ parce qu'on avait tous les services avec Belle. Puis il y avait un rabais qui était donné parce que vu qu'on avait tous les services. C'est pour ça qu'on l'a mis à son nom. On a quitté Belle parce qu'on a eu de mauvais service très souvent. Je suis avec Vidéotron en ce moment. Donc, j'ai fait un transfert vers mon nom. Le problème qui est arrivé, c'est que il y a à peu près deux jours où, à tous les mois, la facture se renouvelle. Puis on a fait le transfert deux jours après que la facture soit renouvelée. Puis en fait, la facture qu'on a reçue, c'est une facture totale de 90$. Donc, tout un mois finalement. Puis pas deux jours sous le nom de ma mère. Puis okay. Après une semaine plus tard, j'ai reçu la même facture de chez Belle pour mon compte pour le même mois à 90$ aussi. Donc, j'ai été obligé de contacter Belle. J'avais payé celui de ma mère, mais pas de mon compte à moi. Okay. Puis on m'a dit « Parfait, pas de problème, on va t'envoyer un chèque. » Puis le chèque n'est pas encore entré, donc j'attendais de payer ce mois-là. Donc ça, c'est le mois de mai. Le mois de juin, je l'ai payé, mais vu que ça faisait 60 jours... automatiquement, ils m'ont coupé mon cellulaire. Il n'y a pas de note qui pouvait être mise, rien dans le dossier, donc ils m'ont coupé comme ça. Puis la madame ne voulait pas me redonner mon abonnement tant que je payais pas une deuxième fois mon cellulaire pour le même mois. Donc, on a eu de l'astinage. Finalement, j'ai repayé le 90$ que j'avais déjà payé, puis j'attends mon chèque pour me faire rembourser. Wow! Ouais. Okay, mais merci, Abel. C'est... Belle et bête. Pas merci. Ouais, c'est ça. Belle et bien bête. Excellent. Pour ma part, ce que j'ai été outré de quelque chose cette semaine? Oui, mais on n'en parlera pas. Donc, on a comme invité aujourd'hui Fabien Major. Et pourquoi on a invité Fabien, pas juste pour qu'il nous parle de la bourse, c'est que... toi, tu es travailleur autonome, comme tu l'as dit, et tu as décidé de lancer une application iPhone qui est sortie cette semaine et qui s'appelle Major Finance, donc avec ton nom. D'abord, qu'est-ce que l'application fait? Ben, l'application, elle donne de l'information sur le monde de la finance en général, mais je veux tout de suite mentionner que je ne suis pas quelqu'un qui va parler de finance avec des gros mots. Je sais que qu'on me comprenne pour que la communication passe. Je sais pas d'envoyer des grands mots savants parce que je sais que parfois les financiers ont un langage qui est déconnecté du monde. Moi, je veux essayer par différentes communications de rapprocher justement la finance du monde. Puis, dans mon application, ben, je mets toutes sortes de choses, mais le point central, c'est des petits outils qui permettent aux gens de faire des évaluations rapidement. Puis là-dedans, je pense que le feature le plus intéressant, c'est le calculateur de rêve. C'est un petit calculateur avec des petits curseurs à glisser, où est-ce qu'on va, par exemple, choisir c'est quoi le projet qu'on a. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont peut-être le projet de s'acheter un bateau, d'adopter un enfant, le projet d'acheter un chalet, une deuxième voiture, quelque chose comme ça. Alors, on a par écrit ce petit rêve-là, on l'a peut-être en tête, on a visité le concessionnaire, on n'est pas sûr de ce que ça coûte la voiture en question. Mettons qu'elle coûte 25 000 $, puis j'ai déjà 3 000 de côté. Bon, je veux avoir un cash down peut-être de 10 000, puis je mets 150 de côté. En combien de temps je pourrais atteindre mon rêve? Ça donne le genre de réponse, là. Et puis, si les gens ont besoin d'assistance, ben moi, je peux les aider parce que je peux retrouver sur le marché soit le compte de banque qui donne le plus haut rendement parce que je suis un conseiller indépendant, mais je suis quand même inscrit à l'AMF, mais j'ai des liens avec toutes les institutions financières. L'AMF, c'est l'association des... L'autorité des marchés financiers. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un conseiller soit en règle, c'est obligé qu'il soit membre de l'AMF. C'est un gage de toute façon de sécurité pour tout le monde. J'étais en train de mentionner que, étant en lien avec toutes les institutions financières, quand quelqu'un a, par exemple, un rêve, il a besoin de mettre des sommes de côté ou quoi que ce soit, ben là, je vais faire des vérifications, puis j'entre en communication. Mais pour moi, c'est un outil aussi pour montrer aux gens que l'argent, c'est de la vapeur, c'est de l'air. C'est bien plus les rêves, les réalisations qu'on fait avec ça qui ont de l'importance. Puis, je voulais que sous la main, on puisse savoir, sans grand tableau Excel, finalement, si notre rêve est accessible. Alors, ça part de là. On nous dit qu'il y a un calculateur de REEE qui existe en tant qu'application. Toi, est-ce qu'il y en a un? C'est un truc que tout le monde devrait prendre, là, qui est le régime d'épargne études. Exactement. Bien, dans l'application, la section outils, il y en a 6 calculateurs. Il y a l'assurance-vie, puis ça, je comprends que c'est bien rébarbatif, mais tous ceux qui ont l'intention d'avoir une maison ou qui ont une maison, quand on arrive pour signer l'hypothèque, on s'aperçoit qu'ils nous demandent si on prend l'assurance-vie, parce que évidemment, s'il y a un décès pendant qu'il y a toujours le prêt en vigueur, évidemment, la banque, elle veut son argent quand même. Ouais. Si dans le couple, un des deux n'est pas capable de payer la balance de l'hypothèque, bien évidemment, on se retrouve à être évincé par la banque de notre maison. L'assurance-vie, dans le cas de l'hypothèque, c'est bien évident. Mais le petit calculateur là-dedans, on entre ses cartes de crédit, son hypothèque, puis peut-être des sommes qu'on aimerait laisser si jamais on décède à notre conjointe, nos enfants. Puis on voit carrément comment on a besoin. Parce que tout le monde ici, je pense la majorité, on va dire combien j'ai besoin d'assurance-vie. On ne sait pas tellement. Mais c'est basé surtout sur des dettes pour ne pas transmettre à nos héritiers, finalement, de l'endettement. Une fois que ça, c'est fait, ben le reste, c'est du supplément, là. Mais les calculateurs sont simples. Au bout des doigts, on peut arriver à des résultats. Il y a l'assurance-vie, régime épargne-études, l'immobilier, pour savoir si finalement une maison, ça peut être dans vos moyens, la mensualité, dépendamment de ce que vous regardez. Un portefeuille, savoir aussi qu'est-ce qu'on a de besoin comme portefeuille de placement. Si on commence à mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que 50 $ par mois, dans quoi on place ça? Il y a des réponses qu'on peut obtenir. Puis le dernier, vous mettez X montant tous les mois dans un REER. Dans, je ne sais pas moi, 20 ans, combien ça vaut ce REER-là? Là? C'est relativement simple, mais le fait que ça soit au bout des doigts, ben, je pense que c'est pratique. Ben, je pense qu'en fait, tous ces calculateurs-là existaient dans des trucs indépendants. Ce qui est intéressant dans le produit que tu proposes, Major Finance, c'est que c'est mis tout en un et que qu'on ait en fait n'importe quoi à discuter là-dedans. Mais toi, tu peux nous aider en tant que conseiller financier parce que essayer de s'y retrouver tout seul, là, tu sais, moi demain matin, je veux acheter une action d'Apple là, parce que c'est à peu près tout ce que j'aurais moyen de me payer, là, une action. Tu sais, j'irais te voir parce que je ne saurais pas par où commencer. Quand je t'ai approché pour venir à l'émission aussi, ce que je trouvais intéressant, comme tu le disais un peu au début, c'est que toi, tu parles de la finance, mais de façon simple. Et en tout cas, moi, quand j'ai commencé à te voir, c'est sur Twitter et tout ça, c'est quand il y a eu comme les gros scandales comment ils appellent ça? Jones et compagnie, là. Ouais, exactement. Puis, c'était pas nécessairement le meilleur temps pour devenir financier, mais toi, tu sais, t'es arrivé sur Twitter, puis t'étais là, tu parlais pas juste évidemment de ça, tu parles d'un paquet d'affaires sur Twitter, parce qu'il y a un être humain derrière ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis quand l'application est arrivée cette semaine, j'ai trouvé ça sympathique. Là, fait que je me suis dit, c'est sorti en fait il y a 2 semaines, je pense. Hein? Bien, ça fait, oui, presque 2 semaines. Là. La section calculateur, c'est la section qui est un petit peu le canif suisse, là, mais j'ai mis des liens avec le blog que je fais, puis je fais des podcasts, mais beaucoup de nouvelles sont finalement en mode push automatique, là, sans qu'on soit une alerte intrusive. Là. Mais il y a toujours de quoi de nouveau dans l'application. Là. Elle est vraiment pas statique. OK. Est-ce que c'est toi qui l'as programmé? Je pense pas, hein? Non, je n'ai pas fait la programmation. C'est Daniel Labelle, que je pense qui est un habitué du podcast. Oui, Daniel m'a secondé là-dedans. J'ai fait l'architecture, le canevas de base. Ni plus ni moins, j'en suis le producteur parce que j'ai conçu le look, l'arborescence. Et puis, lorsque j'avais mon idée de fait, j'ai commencé à regarder différentes firmes qui étaient en mesure de m'aider là-dessus. Et puis, les soumissions que j'avais étaient assez monstrueuses. Puis comme la partie podcast m'importait beaucoup, ben j'ai remarqué le travail de Daniel qui, lui, avait fait quelque chose d'original avec les justiciers masqués. Oui. Et puis là, je me suis dit, oh, c'est peut-être un gars à contacter, puis on s'est entendu tout de suite. J'ai confié ensuite le visuel à une jeune agence de création, l'agence Monolith a fait le visuel. Ce qu'on trouve là, les icônes, c'est tout custom, là. Il n'y a rien qui est acheté dans les banques d'icônes, là. Excellent. Et est-ce qu'il y a des nouveautés, en fait, est-ce qu'il y a des ajouts qui vont se faire à l'application ou elle va pas mal rester comme ça pour l'instant? Oui, il y a des ajouts qui vont se faire, des petits ajustements. L'application gratuite, au début, je pensais avoir des fonctionnalités plus étendues puis d'y aller comme on voit dans d'autres applications où est-ce que les modes plus étendus, on charge des frais. Mais j'ai plutôt changé un petit peu ma vision des choses et puis je vais sortir une version pour le Canada anglais. Ou est-ce qu'il n'y aura pas un lien avec Fabien Major, mais ça va générer des rapports PDF. OK. Et cette application-là, elle va être en vente. Autant, je pense, les conseillers que les clients, monsieur, madame, tout le monde, va vouloir s'en servir pour générer les petits rapports. Il faut comprendre qu'elle s'en vient aussi du côté de l'iPad. Là. Puis la version iPad, elle va être un petit peu plus, je pense, intuitive, là, puisque le format le permet. Oui, plus d'espace. Puis, je vise également le marché français et américain. OK. Le marché américain, bien, il y a beaucoup d'outils d'épargne qui n'ont pas les mêmes noms que nous. Il va falloir que j'adapte tout le vocabulaire, comme des régimes épargne-études, ils n'ont pas ça. Des REER, ils en ont 3-4 sortes. Ils ont 3 sortes de CELI. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça que je dois adapter. Même chose pour le marché français, là, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis je vais faire aussi des associations avec des blogs, soit américains, canadiens, anglais, parce que ma source d'information première, c'est beaucoup plus le web que les médias traditionnels. Et les blogueurs nous renseignent, Twitter nous renseigne bien plus vite. Dans le domaine financier, en tout cas, c'est phénoménal. Les nouvelles commencent sur Twitter avant de se rendre partout ailleurs. C'est intéressant. Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour pour ça. Si il y a des... Oui, JF, tu avais une question? Oui, est-ce que vous avez eu, en 2 semaines à peu près que l'application est sortie, est-ce que vous avez eu beaucoup de téléchargements? Est-ce que la pub que vous avez faite par rapport à l'application a bien fonctionné, d'après toi? Ben, j'ai quand même fait un bon buzz qui n'est pas terminé, mais ça m'a bien surpris. Au bout de 3 jours, c'était l'application de la semaine de la presse. Alain Mécanard, je pense qu'il a donné un bon coup là-dessus parce que le téléchargement a augmenté énormément à la 3e journée suite à l'article de la presse. Et puis, je vois aussi qu'il commence à se créer différents liens. J'ai fait une page spéciale, majorfinance.ca. Ouais. Ça aide beaucoup, là, une petite démonstration YouTube. Je pense que de mettre les commentaires aussi des gens qui l'ont téléchargé, ça aide aussi, là, parce que cette semaine, ça a remonté encore. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va aussi faire l'effet avec le podcast. Puis ce midi, j'étais à l'émission d'Isabelle Maréchal au 98.5. On en a parlé un petit peu à la fin. Excellent. C'est une bonne chose. Je voulais savoir, sinon, est-ce que tu as vu des leads? Est-ce qu'il y a des clients? Parce que je pense que le but de ça, c'est de s'attirer une clientèle. As-tu vu des gens qui t'ont joint à cause de l'application? Ah oui, instantanément. Ah, OK. Facile, une quinzaine jusqu'à maintenant, là, en 2 semaines, là, c'est au-delà de mes espérances. Les Excellent. Gens qui veulent avoir des rendez-vous pour que je les aide de ce côté-là. Là. Alors, effectivement, je considère que l'application jusqu'à maintenant est un succès. Bon, ben, on est super contents. C'est vraiment chouette. Si, on espère pouvoir aider encore plus avec le podcast. On va essayer de le pousser là, le plus vite possible après l'émission. Ah, merci, les gars. Mais un gros merci, un gros chapeau à Daniel Labelle puis aussi l'agence Monolith là, parce que ça fonctionne bien. Le plus beau commentaire que j'ai eu sur Twitter, une dame, Madame Josée Lafleur, elle a écrit, elle a dit « Téléchargez ça, c'est super cool, ça va bien. » Puis surtout, « Ça plante pas. » Oh! Mais c'est sûr, c'est sur un iPhone. Oui, c'est ça. On commence pas. Okay. Ça pourrait être sur d'autres choses. On commencera pas. Come on, lâchez-moi, les gars. Ben, merci beaucoup, Fabien. Et puis, s'il y a d'autres grosses annonces à faire sur Major Finance, n'hésite pas à venir nous voir. Tu vas être le bienvenu. Yes. Ça marche. Parfait. Tu veux-tu rester avec nous? Mais éventuellement, en fait, on va être obligé un peu de t'évincer pour que Frédéric Brunel vienne nous rejoindre. Peut-être qu'il faut que tu y ailles. Ben, vous l'avez entendu tantôt, le bruit de vaisselle, là, c'est ma partie qui commence, là, Fogia. OK, excellent. Merci les gars, bye. Parfait, bye bye. Au revoir. Donc, on vous invite à aller télécharger l'application Major Finance. On a donné le lien juste en bas du podcast. Il sera dans les notes du show aussi. Oui, les gars? Correct. OK. Non, c'est cool, oui. Moi, je voulais juste rajouter, en fait, là, quand tu as une maison, j'ai des enfants, moi. J'ai pas une super bonne santé, fait que l'assurance vie, j'ai besoin de ça. Puis avec les augmentations à l'université, le RE, une bonne affaire. Augmentation d'étiquette aussi, des fois, l'étiquette commence à être plus chère. Voilà, fait que j'ai investi un peu. Là, pas ça, le choix, bien, bien. Mais au niveau d'étiquette, en fait, j'ai un outil qui est sorti pour moi cette semaine. Ils l'ont fait juste pour moi, je suis super content. Il y a le stationnement Montréal, en fait, c'est Transcontinental qui a sorti son application pour payer ses tickets à partir de son téléphone cellulaire. Et moi, je l'ai utilisé. Bon, je suis passé à travers tout le processus que j'ai trouvé un petit peu ardu. Dans un premier temps, bon, c'est pas super user-friendly. C'est pas si difficile. Ça prend pas un diplôme en astrophysique pour le faire. Mais je veux dire, si tu veux recevoir, par exemple, un avertissement par SMS comme quoi ta période de stationnement est terminée dans cette application-là, ben il faut que tu envoies un SMS pour comme confirmer ton inscription. Ouais. Puis c'est écrit en tout petit, c'est pas clair, c'est pas en rouge, ça t'amène pas automatiquement. C'est les deux étoiles en bas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un petit peu rocailleux. Tu sais, ça n'a pas été pensé un peu comme j'ai montré Tag Taxi à beaucoup de gens depuis qu'on a reçu ce sympathique monsieur de Tag Taxi. Puis je trouve que c'est une application qui est mieux pensée, qui va plus avec le Web 2.0. Tu sais, je suis à telle adresse? Non. Ben là, il y a la liste des commerces via Foursquare qui apparaît en dessous, tout ça. Donc, puis les gens sont vraiment contents de pouvoir voir leur taxi. Moi, je suis vraiment content de pouvoir payer mon stationnement. Puis j'ai pensé à un gag à faire, c'est que tu te stationnes dans le centre-ville, puis tu t'en vas au cinquième étage d'un building ou à n'importe quel étage d'un building, tant que tu as une vision sur ton véhicule. Et là, tu attends que la courge, elle arrive, puis qu'elle ralentisse devant ton véhicule. Et là, toi, avec ton téléphone, tu payes ton ticket. Fait que tu payes ton parc-mètre, fait qu'il est obligé de sacrer son camp. T'es comme... Oui, mais le délai maintenant, y a-t-il un délai entre... En fait, je me demande, si tu vois la personne dehors qui sort pour te donner un ticket, mais tu mets tout de suite, tu payes... Habituellement... Non, ben je pense que moi, quand je l'ai fait ce matin, je l'ai lancé, puis effectivement, ça a mouliné un peu, mais je pense que c'était à la minute. Presque à l'intérieur d'une minute que ça s'est fait. Puis effectivement, en fait, tu n'attends pas qu'ils sortent pour faire le ticket. De toute façon, ils se stationnent derrière ton véhicule et ils font le ticket dans leur auto. Fait que tu n'attends pas qu'ils aient fini le ticket parce que tu ne veux pas que l'heure elle concorde de une minute de moins avec quand est-ce que tu as payé. Fait que, voilà. Fait que ça, je suis bien content de cette application-là qui est sortie cette semaine. Et moi, je vais parler d'une autre application. Oui. Qu'on parlait plus tôt de que Vincent va mettre le podcast très bientôt sur les internets et sur iTunes. Apple, celui-là? Ben celui-là de ce soir. Le nôtre, là. Oui, de ce soir. Apple qui ont sorti leur application podcast, une application qui est faite expressément pour lire vos podcasts à part dans l'application musique, très bien. Je l'ai trouvé super bien. Là, elle est intégrée toute à iOS 6, là, je trouve. Là, fait que beaucoup de fonctionnalités qui sont dedans. Je ne sais pas si pour la version 5 est pareil, parce que je n'ai pas essayé avec la version 5. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment aimé. C'est ça que je m'en allais dire. Il manque des affaires dedans. Il y a certains podcasts que j'ai voulu écouter, puis qu'ils me disaient que c'était indisponible. C'était juste, ça marchait pas. D'autres qui fonctionnaient très bien. Puis j'ai lu certains commentaires disant que ça dépend justement des podcasts, donc je sais pas s'il va c'est falloir... Ça dépend comment ils sont encodés, c'est... Ben pourtant, c'est un feed RSS, tu sais, il y a rien de compliqué là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Mais chez en fait, je pense que le podcast dont tu parles, c'est le podcast des Mystérieux Étonnants avec lequel tu as eu un petit peu plus de difficultés. Non, c'est pas celui-là? C'est l'Analyse des Geeks. Ah, OK. Ouais. Parce que je sais qu'au niveau de leur feed RSS, là, le code RSS, ça, c'est pas super bon là, chez Choc FM. Des fois, il arrive qu'ils ont des problèmes. Ils en ont eu il n'y a pas trop longtemps. Fait que je pensais que c'était ça. Non, c'est ça. Puis finalement, quand je l'ai réessayé un, deux heures plus tard, ça fonctionnait. Fait que, OK. C'est... Mais il faut dire que cette application-là a eu beaucoup, beaucoup de critiques négatives. L'application est considérée comme étant... c'est-à-dire que les gens ils disent que ça a l'air d'un bêta. Il y a des choix dans l'application au niveau de l'interface qui ne correspondent pas aux standards de Apple. C'est comme si... en fait, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Apple veut sortir l'application de podcast ou en fait le catalogue de podcast et en faire sa propre application? Est-ce que c'est parce qu'éventuellement, ils veulent les sortir de iTunes par la bande parce que ça consomme beaucoup de bandes passantes et que ça ça rapporte pas grand-chose? Peut-être, mais ça a l'air d'une application, tu sais, il y a un interne ou un stagiaire qui est venu chez Apple, ils ont fait « Écoute, es-tu capable de nous programmer quelque chose? » Puis le gars, il a fait de quoi selon ses styles, mais il a comme zéro suivi des guidelines de Apple. Fait que les points que tu bouges comme ça pour le son, pour où tu es rendu dans le podcast, c'est pas les bons, ça ressemble pas à être à ceux de Apple. Fait que, mais c'est un petit peu bizarre. Je vais te reprendre, là, mais... Apple ne stocke aucun podcast sur leur serveur. Fait que c'est pas eux autres qui payent la bande passante. Là. C'est. Mais c'est comme je disais, c'est un feed RSS. C'est un feed RSS, c'est ça exactement. Nous comme... personnellement, si je donne par exemple l'exemple du podcast en ce moment, nous on héberge chaque podcast sur le archive.org ouais. Qui soit disponible au public comme tout le monde gratuitement. Donc nous, ensuite je prends ce lien vers le fichier audio qu'on a. En fait, on a deux feeds audio, donc c'est deux, on va dire deux podcasts différents, mais c'est la même chose. Un en AAC, puis l'autre version MP3. Puis c'est, en fait, c'est ça, c'est un feed RSS. Donc, je modifie le feed RSS pour le nouveau podcast. Je prends le nouveau lien que j'ai uploadé sur Archive. Puis ensuite, je l'envoie. Puis pour enregistrer un podcast sur iTunes, j'ai eu la même question par Patrick Ducharme aujourd'hui. Tu t'en vas sur iTunes, tu rentres le lien du podcast, puis ça prend peut-être une heure ou deux, puis le podcast est disponible sur iTunes. Donc, Sinon, des applications, en fait, pour gérer ces podcasts, non pas dans l'application musique ou l'application iTunes pour le téléchargement, il y en a déjà eu, c'est pas les premiers, il y en a un paquet. Celle qui semble revenir souvent, c'est Downcast. Est-ce que tu utilises ça, GF? Ben, je l'avais acheté, ça faisait un coup, je ne l'utilisais pas. Parce que là, vu avec toutes les versions de iOS qu'on était en train de tester, il fallait tout le temps changer de version, fait qu'il fallait réinstaller, whatever. Mais c'est ça, c'est qu'il aurait dû impliquer, mettons, Apple aurait dû acheter cette compagnie-là, Downcast, parce qu'ils sont renommés dans la gestion de podcasts, cette application-là. Tu sais, c'est comme, tu n'es pas obligé de télécharger les podcasts, c'est comme en stream continu. Tu sais, il aurait pu implanter iCloud dans cette application. Là, podcast pour faire comme la musique, comme notre iTunes Match en streaming live non-stop. Il y a pas de streaming dans l'application, justement? Il n'y en a pas. Ah non? Non, il n'y en a pas. Faut que tu télécharges tes. Il les télécharge, mais sauf que tu as 50 megs. Il ne peut pas aller plus haut que 50 megs. Tu es barré à 50 megs ton podcast, mais si tu n'es pas en Wi-Fi, too bad. Ça marchera pas, là. Il va te télécharger quand tu vas arriver chez vous ou chez quelqu'un qui a du Wi-Fi. Un truc, par exemple, en fait, parce que la possibilité d'y aller par le Music Store est toujours là, si je ne me trompe pas. Oui, mais aller les chercher. Quand on arrive sur le Music Store, et moi, c'est souvent ce que je fais pour écouter un podcast et ça marche par le 3G, c'est qu'au lieu de dire télécharge-le, tu cliques sur le chiffre de l'épisode, mettons, sont tous en ordre, là, donc tu cliques sur un et il va se mettre à être streamé. Il va jouer dans ton appareil en streaming. Et okay. Il va, même si le fichier, là, puis les mystérieux étonnants, c'est quand même assez lourd. Ça doit dépasser 50 mégs. En tout cas, l'analyse des geeks dépasse le 50 mégs. Et ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on peut se le streamer. Je ne sais pas si ça va encore être possible avec l'application podcast, mais anyway, ça semble être une application bêta encore un peu. Oui. Mais c'est quand même, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, qu'ils ont décidé, comme tu as dit, de sortir l'onglet podcast de Music pour le faire d'une une application indépendante. Il parlait, aujourd'hui j'ai lu une news et il parlait de iTunes 11 dans lequel ils vont améliorer en fait deux choses, dont le partage. De musique. Donc, il va avoir la possibilité de partager peut-être des chansons. Ils sont en train de dealer les licences avec les majors de musique pour ça. Puis, je vais pouvoir te prêter des chansons histoire de te faire découvrir des nouveaux interprètes. Et il disait que dans le prochain, il y a... iTunes, il allait retirer quelque chose d'autre qu'il allait probablement mettre dans leur propre... applications. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que c'était, mais c'est comme si jusqu'à maintenant, ils s'étaient dit « OK, mets ça dans iTunes. » Puis à un moment donné, ils ont fait « Whoop-a-lay, on aime ça le développer iTunes, mais le, tu sais, au niveau du développement, ça doit mal aller de dire « Hey, il faut penser que si on fait ça, on brise telle affaire. » Puis là, oui, mais ça n'a pas rapport. C'est pas grave qu'on brise telle affaire. Fait qu'il y a comme trop de choses dans ce logiciel-là, tu sais, iTunes, qui, selon certains, devrait être renommé de toute façon. Renommé? Oui, renommé. iTunes, c'est sorti... Au complet. Non, mais renommé, ça s'appelle... ça devrait être refait avec du nouveau code. Mais iTunes, c'est pour la musique au départ. Ouais. Et là, ils ont tout mis dedans. Là. C'est plus iTunes, c'est iMedia. Puis iMedia, ça existe déjà. Là. Fait qu'il faudrait trouver un autre nom. Là. Mais voilà. On vient de commencer, en fait, la section nouvelle. Je vais tout de suite rajouter... je vais demander rapidement à Fred Brunel... J'ai une annonce à faire en attendant. OK. Comment je pourrais dire ça? Je voudrais souhaiter bonne fête aujourd'hui au iPhone. Ah, ben oui. Qui a présentement 5 ans. C'est pas aujourd'hui. Demain. Non, c'est aujourd'hui. OK. C'est le 29, c'est demain. C'est demain. C'est le 29. Fait que je souhaite bonne fête au iPhone avec mes petites planèches. Fait que... Moi, j'étais allé à Argent aujourd'hui dire que c'était aujourd'hui. J'étais sûr qu'on était le 29, mais je suis tout mêlé. Non, c'est demain. TVA m'a invité ce matin, puis j'ai été présenté, non pas une, mais bien deux fois pendant le show, comme étant un consultant et co-animateur des podcasts Mac-Québec. Fait qu'on s'est fait une belle plug à TVA ce matin. J'étais bien content. Mesdames et messieurs, Fred Brunel de Wear Cloud qui se joint à nous, à qui on va parler un petit peu plus tard, mais qui va sûrement intervenir dans les nouvelles qu'on va donner. T'as-tu fini avec ton Jeff a débarqué. Est-ce que son feu de Bengale était terminé pour la fête? Oui, c'est fini. Oui. Donc, en fait, c'est ça, ces 5 ans de iPhone. C'est assez impressionnant, tout le chemin qui a été fait depuis ces 5 ans-là, comment le téléphone mobile est rentré dans nos vies, comment les applications sont rentrées dans nos vies. Des fois, on se demande, mais coudonc, qu'est-ce qu'on faisait avant? T'sais, tout ce temps gaspillé aux toilettes, par exemple, à ne pas être productif. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup. Productif Angry Birds à Star aux toilettes, là. Wouhou! Effectivement. C'est une partie que vous n'avez pas entendue dans le Spreecast. On entendait Jean-François en arrière. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, je n'étais pas encore connecté. Heureusement. C'est un bout qui était censuré. Oui. Donc, si on passe à la prochaine... JF, c'est comme un peu le moment de s'acheter un SSD, d'après ce que je comprends. Oui, j'aurais dû attendre un peu. Ben, ça a-tu encore descendu depuis que vous l'avez acheté, toi puis Vincent? Oui. Oui, c'est encore baissé. Moi, ça a descendu d'une cinquantaine de dollars, le SSD que j'ai. Moi aussi. Okay. Moi aussi, ça fait même pas 2 mois que je l'ai, tu sais. J'ai regardé un petit peu, puis j'ai trouvé en ce moment, là, ça a l'air, le SSD, c'est le Crucial M4 là, qui est bien coté rapport qualité-prix. Ça se trouve pour 256 MB, ça se trouve à 209 $ prix canadien. C'est sûr qu'il y a un shipping et tout ça, là, mais c'est quand même un prix qui est assez agressif. Et c'est en bas du dollar du gig. Là. Fait que c'est assez impressionnant. Et dans la même veine, en fait, cette semaine, on entendait OWC qui avait sorti un 960 gig. 960 gig. 1200 $ Ah, quand même. Eux autres sont encore un petit peu au-dessus du dollar du gig. C'est pas un SSD performant, je crois, qui va jusqu'à 280 MB lecture-écriture, là, contrairement à certains beaucoup plus puissants qui vont à 400, 450 au moins. Donc si vous voulez avoir un SSD, vous voulez mettre de l'argent là-dedans, puis il ne sera pas nécessairement puissant, mais vous voulez en avoir un de grande capacité, c'est sûr que lui est disponible, mais il va diminuer au fur des années. Oui, c'est ça. Parce que, gars, comme moi, j'ai payé. Moi, c'est un 180 gig, c'est un Corsair Forge GT3. 180 gig, j'ai payé 234 $. Fait que c'est ça. Fait que ça va encore baisser. Là, tu sais, c'est même. À prix que j'ai payé, il est encore en haut de la pièce du gig. Fait que. Mais c'est ça, ça va encore baisser, c'est sûr. C'est quand même impressionnant. Parlant d'espace de stockage, j'ai un nouveau data center qui est prévu pour Apple au Nevada, c'est ça? Oui, à Las Vegas, en plein milieu des casinos. C'est pas un peu bizarre de vouloir faire un data center en plein milieu d'une des places les plus chaudes aux États-Unis? Je comprends que d'un côté, ils peuvent aller chercher toute l'électricité grâce à des panneaux solaires, mais de l'autre côté, c'est parce qu'il faut les refroidir. Mais tu sais, il peut y avoir différents éléments qui rentrent en compte, justement, les panneaux solaires, parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais il peut y avoir aussi le prix des terrains. Parce que le prix des terrains et les data sont gros. Fait que, c'est sûr que le prix des terrains doit être moins cher. Partenariat avec le Nevada, ça peut être justement moins cher que, je sais pas s'il était en Virginie ou en Caroline du Nord, peu importe. Là. Mais justement, peut-être qu'il y a eu un partenariat entre le Nevada et Apple pour diminuer les coûts. Tu sais, Apple sont pas cons. Là. Ils vont y aller où la place la moins chère. T'sais, au Nevada, il n'y a pas de taxes là-bas. Là. Ben, considérant en fait que je pense qu'ils veulent rester aux États-Unis peut-être, sauf que tant qu'à moi, la meilleure place où installer un data center, si on veut de l'électricité pas chère puis du fret pour refroidir, c'est le plan Nord, c'est clair. Là, c'est sûr, certain. Entre chaque mine, ils devraient mettre un data center. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est pas fou, là, t'sais. C'est sûr que ça serait le fun, là, tu sais. Mais c'est ça, C'est pas Google qui avait une patente pour faire des data centers qui vont sur l'eau, dans la mer? Oui, je pense que c'était pas sur des plateformes de forage ou des trucs comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, oui. On dirait que c'était des grosses boules jaunes qui s'accrochaient. Ouais, c'est ça, c'est... Puis même, avec refroidissement gratuit et puis hydroélectricité, quelque chose du genre. Ils ont aussi des grands data centers en... container de bateau là, en métal où c'était portatif, justement, ils pouvaient en mettre plusieurs par-dessus puis les connecter ensemble. Donc c'était portatif maintenant. Puis si je me trompe pas, ils en ont fabriqué un et les data centers sont refroidis par la marée. Ou en tout cas, il y a l'électricité qui est faite par la marée, mais ils utilisent l'eau de mer aussi pour refroidir. Le data center, fait que c'est assez impressionnant, mais c'est sûr que ils sont en train de regarder, mais donc on sait pas ni la grosseur, on sait pas pourquoi exactement. Ils en ont déjà un en Caroline du Nord, je sais pas s'il est utilisé au maximum, puis ils vont en avoir un à Las Vegas. Bon, si mettons, tu sais, ok, on va fabuler encore là, mais tu sais, si mettons les autres sont pleins à craquer, OK, avec iTunes et tout iCloud, tout ça. Ouais. Le prochain pourrait être peut-être pour l'Apple TV. Parce que ça va prendre des serveurs en tabarnouche pour faire rouler ça. Là. J'avoue. C'est comme... moi, je pensais à ça quand j'ai vu l'annonce. D'après moi, ils se préparent pour l'Apple TV parce qu'ils ne pourront pas gérer tout ça dans leur système de data center qu'ils ont présentement avec tous les services qu'Apple offre. Là. Au niveau de la distribution d'émissions de télé, là, ça commence à être... en ce moment, il y en a tel pourcentage qui est téléchargé, mais disons que ça part. Mais je ne suis pas sûr qu'à un data center, il serait capable de fournir quand même. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Là. Ils font des deals habituellement avec des compagnies qui ne s'occupent que de ça. Là. Netflix ne distribue pas ses propres trucs. Ils font affaire avec une compagnie là, pour ça. Et parlant en fait du soleil chaud du Nevada, il y a la chaleur du nouveau MacBook Pro on recommande vraiment pas, puis on l'a jamais vraiment recommandé de se mettre sur les genoux. Ben c'est pas ce que j'ai lu. Retina. Ouais, le Retina. Les articles que j'ai lus c'était justement que il chauffait pas autant qu'on pouvait penser, puis que il chauffait juste un peu là, puis c'est tout. Ben, j'ai vu un espèce de scan. Chauffé, en fait. Oui, c'est ça. J'ai vu une espèce de scan et ça disait après 48 degrés à l'endroit maximum là, où est-ce que la chaleur était. Puis on a bien vu, en fait, dans la méthode de fabrication, qu'il y avait des trappes d'air sur le côté là, qui servaient en fait à sortir l'air avec leur nouvelle fan avec des pales pas égales. Je me souviens plus c'est quoi le terme, là, mais c'était pour changer le son des fans. Et qui rendait aussi l'ordinateur plus rigide. Mais 48 degrés, ça semble quand même assez acceptable. Non, mais ça doit pas être, ça doit être chaud. Ça doit être chaud. C'est les cuisses, là. Tu te mets ça, c'est les cuisses. Là. Ouais, je pense qu'il reste quand même chaud. Moi, j'en avais testé un, mais j'ai pu tester vraiment à full puissance. Mais il y en a qui disent que Apple, sur leur website, ils avaient plus ça des laptops. Hein. Ils appellent ça des notebooks, non, comme tout le monde. Hein? Oui, c'est ça. Mais en fait, ça fait même depuis le MacBook Pro, donc première en 2006, c'était écrit dans le petit guide quand tu achetais l'ordinateur, ne mettez pas l'ordinateur sur vos genoux. Ce n'est pas fait pour ça. Là. Tu vas scraper la race humaine d'abord parce que tu vas tuer tes spermatozoïdes. Puis deuxièmement, sont plus proches... Si c'est plus proche qu'au bout des genoux. Oui, c'est ça. Mais quand même, juste une chaleur plus haute dans la région suffit en fait à les rendre paresseux. Fait que, bon, voilà. C'est bon, on a un cours de biologie en plus. Ouais, en plus, oui. Ouais, c'est le tout inclus. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais sinon, on a eu des... on a eu des rapports, il y a eu des bris sur les... c'est un peu une première génération, ce MacBook-là. Et on a eu quand même quelques bris qui ont été rapportés, entre autres sur les écrans. Il y a un cast jaune, je pense. Il y a des gens qui ont rapporté du ghosting sur les écrans. Donc, on voit là, des petits bobos de jeunesse sur ces trucs-là. Il ne faut pas paniquer, il y en a toujours eu. Mes MacBooks en 2006... pour ma part, avait des problèmes. Les gens qui ont acheté le iPad 2 ont eu des écrans décollés. Et Apple, en fait, le service va le changer. Là. Ça, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que c'est... Bon, de un, c'est pas la majorité des gens qui achètent l'ordinateur. De deux, c'est sûr que c'est plate d'acheter un produit neuf avec une défaillance comme ça. On se dit peut-être qu'Apple n'a pas assez testé ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que les produits sont de qualité et il faut penser qu'ils en vendent beaucoup. D'ailleurs, le MacBook est à 3 à 4 semaines d'attente. MacBook Pro Retina Display, là, toujours, est à 3 à 4 semaines d'attente si on demande le moindre changement dans l'appareil. Puis ça a pris à peu près 2 jours avant qu'il tombe en attente longue comme si, ça. Pour ceux qui ont acheté au départ, là, je pense que c'était entre 7 et 11 jours au début, ils ont reçu des courriels ou des messages disant que ça pouvait être retardé de quelques jours aussi. Là, donc, okay. J'ai vu ça passer. Fait que, ils ont de la misère à répondre à la demande en ce moment. Mais somme toute, ça reste une machine qui est exceptionnelle et on l'a vu cette semaine. En fait, j'ai pas le lien, mais on a essayé de brancher. En fait, il est capable de gérer jusqu'à 4 écrans. ce MacBook-là. Donc, on a les deux ports Thunderbolt plus le port HDMI plus l'écran, qu'il faut le rappeler, de 2800 par 1900. OK. Donc, ça fait, de la résolution. 1880 par 1800. Par 1800. Ça fait de la résolution. Puis, en rajoutant les deux écrans Thunderbolt, là, dans ce que je lisais, la carte graphique de l'ordinateur est capable de driver quelque chose comme 10,5 mégapixels. Tu sais, parce que, bon, tu calcules les pixels de l'écran Retina, tu calcules les pixels des deux écrans Thunderbolt de chaque côté, plus la TV en HDMI, tu additionnes tout ça, puis tu arrives à 10 mégapixels, ce qui est assez impressionnant. Là. Oui. Machine portable, là, c'est assez fabuleux. Mais je me demande, par exemple, si quand ils ont branché les quatre écrans, c'est ce qu'on n'a pas vu sur le site web, l'ordinateur doit commencer à chauffer quelque chose de rare. Ben, ça doit chauffer. Mais les gars, ils ont mis quand même un des écrans avec un vidéo 4K, puis des vidéos qui fonctionnaient dans les autres écrans, des vidéos plus standards en 1080, puis ils commençaient à laguer. Mais écoute, la machine qui drive sur quatre écrans, trois vidéos 1080p plus un 4K, Oui, puis c'est un ordinateur portable, faut dire. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il est déjà prêt pour les cinéma display qui sont Retina, qui ont 4 fois de résolution. Voilà. Donc en fait, il est capable de driver un futur cinéma display Retina. C'est surtout ça que ça veut dire. D'ailleurs, en fait, ça qui est un peu dommage quand on achète cette machine maintenant. Moi, écoute, mon setup, je travaille jamais sur le laptop. C'est vraiment des. Moi, j'arrive chez moi, je le plug sur un écran. J'arrive à la job, je le plug sur un écran. Du coup, là, c'est un peu dommage d'avoir un full résolution sur ton laptop. Et quand tu regardes ton écran, principalement, là, c'est la résolution est moins bonne. D'ailleurs, ils n'ont pas expliqué comment, si tu fais passer une fenêtre de ton écran Retina à un écran non Retina, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est comme quand on croise les... dans Ghostbusters, quand on croise les fils. Les fils dans Ghostbusters, non? Tu ne peux pas faire ça. Tu peux mettre la fenêtre une fois sur un écran, mais si tu la bouges, ça explose chez toi. Je pense que juste la fenêtre va être plus grande là, au niveau de l'écran. Je ne suis pas sûr, parce que moi, je m'attends à ce que le système soit capable de changer les ressources dynamiquement. Ça fait qu'en fait, tu passerais vraiment sur... Tu garderais la même taille des éléments, la même taille physique, mais en fait, la résolution changerait. Ça deviendrait simplement moins clair quand tu le passes. Ouais, exact. Mais en fait, comme tu fais d'habitude, là, je pense. OK. Et je crois que ça marche. J'ai pas pu le tester, mais je crois que ça marche. J'ai vu ça sur The Verge. En fait, quand ils ont fait le test du Retina, ils l'avaient branché sur un écran. Puis tu passais une fenêtre de l'un à l'autre. Et puis tu n'avais pas de problème. Puis ils n'ont rien dit qu'ils trouvaient quelque chose d'anormal. Enfin, moi, je trouve ça quand même fort que ça marche bien entre deux résoles sans changer les tailles et tout mais... ça. Là. Moi, je trouve que l'article que j'ai vu pour quatre écrans, je trouve ça un peu cheap parce que techniquement, la machine serait capable d'avoir sept écrans. C'est-à-dire qu'il y aurait l'écran du Retina Display. À côté de ça, on aurait deux écrans connectés back-to-back Thunderbolt. Mais il y a deux prises Thunderbolt. Fait qu'on aurait deux autres écrans Thunderbolt de brancher, une sur le HDMI, et une autre avec 10.8 qui serait en fait activation du RP. Peut-être tout simplement, il n'y avait pas quatre écrans Thunderbolt avec eux comme ça. Et je pense qu'on va se trouver un partenaire puis on va aller ouvrir quatre écrans Thunderbolt puis on va le tester. T'as encore des connaissances à l'UQAM, toi, ouais. À quoi? On est censé aller s'asseoir avec eux autres, fait qu'on va leur demander quand on a des idées de génie de cave comme ça. Quatre écrans, oui. Ça vous tente-tu, tu sais? Commandez-en quatre, on va les ouvrir, tu sais. Box open, pas de trouble. donc voilà. Sinon, Oui? Non, vas-y. Oui, OK. Je voulais parler des applications qui sont sorties aujourd'hui de Google. Ah oui, OK. Il y en a plusieurs? Ben, il y en a trois depuis une semaine qui sont sortis avec les deux d'aujourd'hui. Là. Sur l'iPhone? Sur l'iPhone, oui. Okay. Quand on considère que Facebook n'est pas capable de sortir une application qui fonctionne, c'est quand même assez. Ça va changer apparemment. Ça va changer. Ils ont décidé de laisser tomber HTML. Là. Ouais. Ah oui? Ça, c'est un bon message aussi. C'est un bon message aussi aux développeurs qui dit que si Facebook n'arrive pas à faire du HTML5 sur un mobile, c'est même pas la peine d'essayer. Oh. Parce que cette application-là, c'était ça, c'était un wrapper très bien fait au-dessus d'une application HTML5, parce que des fois, en fait, tu pouvais le voir bugger, le CSS se loadait pas, et puis c'était tout scrap, là. OK. Et en fait, c'était vraiment du HTML. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que quand tu fais du HTML avec UI WebKit, tu es obligé de reloader beaucoup, beaucoup de ressources. C'est pour ça que l'application n'arrête pas de loader tout le temps, là. OK. Et ils ont essayé, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup en HTML, donc ils voulaient avoir la même chose à travers toutes les plateformes, et ils n'ont pas vraiment réussi à avoir les bons objectifs, là. Donc là, ils ont décidé de la faute... une nouvelle app qui va sortir. C'est de la faute de Apple, selon toi, ou c'est de la faute de Facebook? Non, ben écoute, Apple, il donne cette coquille technologique qui marche, mais tu sais, tu peux pas le pousser si loin que le desktop, quand même. Parce que Facebook, ils ont énormément de JavaScript dans leur page, certains qu'ils ont essayé d'optimiser le maximum qu'ils ont pu. Mais honnêtement, la WebView, elle n'est pas puissante, elle n'a pas la même VM JavaScript que Safari, donc elle est plus lente pour ça. Facebook, d'ailleurs, si tu essayes Facebook, ça tourne plus vite dans Safari que dans l'application Facebook, en fait. Ok, oui. Parce qu'en fait, c'est pas le même Safari, et donc c'est pas le même VM. Et donc là, ils ont laissé tomber, soi-disant, c'est qu'ils vont, ils vont donner une application native qui apparemment marche bien. Justement, en fait, le furteur qu'ils utilisent à l'intérieur de l'application Facebook, vu que c'est pas Safari, ils peuvent pas utiliser Nitro, si je comprends bien, c'est ça? Exact. Donc, ils ne peuvent pas faire l'accélération matérielle. Un peu la limitation dont on a entendu parler aujourd'hui, parce que Jeff allait sûrement nous en parler, Chrome est sorti. Oui, Chrome est sorti, mais il n'intègre pas le web. Oui, c'est ça, il n'intègre pas le WebKit d'Apple, parce que j'ai fait des tests avec SunSpider, j'ai roulé Safari, puis j'ai roulé Chrome. Les deux. Puis Chrome en arrache, mais pas à peu près. Là. C'est normal. S'il n'y a pas d'accélération matérielle, il y a une longueur d'avance pour Safari. Moi, je me posais la question, est-ce qu'éventuellement, il ne peut pas avoir la même... tu sais, on le sait, là, il y a eu une poursuite judiciaire il y a des années de ça contre Internet Explorer qui était incrusté dans Windows. Est-ce qu'il ne peut pas avoir le même genre de poursuite judiciaire envers Apple parce que Safari profite, si vous voulez, d'un espèce d'avancement ou ils peuvent se défendre d'une autre façon ou je ne sais pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, c'est une bonne question que tout le monde se pose. Okay. C'est une bonne question parce que tout le monde se demande s'il ne va pas y avoir un procès antitrust pour Apple. Mais à la différence de Microsoft, c'est que oui, Apple a le monopole sur leur propre plateforme, mais ce n'est pas la seule plateforme au monde. Donc en fait, tu peux quand même déployer sur Android d'autres applications, tu peux peut-être les avoir sur Windows Phone 8. Peut-être plus tard, ça va arriver. C'est possible qu'ils aient la même chose. Alors après, est-ce que ça s'applique au même genre de choses? Parce que Windows, c'était un OS qui était licencié sur d'autres OS, donc ils obligeaient même n'importe quel constructeur à embarquer Internet Explorer. Je ne sais pas si le fait que ce soit basé sur des OEM, Microsoft qui licencie la technologie, ça les a pas, c'était pas plus préjudiciable que ce que fait Apple maintenant. Ouais, j'avoue. C'est leur matériel, c'est leur OS, puis leur OS est très fermé aussi. Là. Ouais. Ça, c'est un peu une application native parmi tant d'autres en ce moment. Bah ouais, exactement là. Donc je sais pas pourquoi Microsoft a été targeté dans ces années-là et Apple l'est pas. Mais tu sais, le département de justice américain regarde aussi Apple. À chaque fois qu'il se passe des choses ou à chaque fois qu'il y a des patentes qui s'envoient entre les compagnies, le département de justice est toujours en train de regarder son œil là-dedans. Donc d'ailleurs, si un jour Apple devient la seule plateforme mobile, c'est sûr qu'ils vont avoir un procès. D'ailleurs, Fred, on t'a invité parce que tu étais au WWDC il y a deux semaines. Ouais. Et je t'ai invité parce que je sais que tu es un grand... Oh, elle est jolie! Oh, le badge! Le badge. On a fait des entrevues ensemble. Tu es un grand défenseur de la plateforme iOS. Tu l'aimais beaucoup. Mais j'ai quand même vu passer sur Twitter, en fait, des commentaires négatifs. Il y a des trucs que tu as vus de iOS 6 qui te font suer ou que tu n'as pas aimé. Puis je me suis dit, tiens, s'il venait nous parler un petit peu d'API à l'émission, ça serait chouette. Ben, c'est ça, écoute, c'est surtout la plateforme, moi je trouve qu'elle marche vraiment bien parce que les technologies qu'ils ont utilisées dedans ont 15 ans d'avance, enfin pas d'avance, mais en fait elles ont été développées il y a 15 ans à l'époque de Next, donc c'est extrêmement optimisé, c'est du coup très bas niveau pour beaucoup de développeurs, donc pour développer des applications rapidement c'est un peu plus difficile qu'en Java ou en .NET par exemple, mais on peut faire beaucoup, moi je trouve qu'en fait on a plus de contrôle sur beaucoup de choses, donc si on se fait chier, on peut avoir énormément de rapidité sur les applications, alors qu'en Android, le fait déjà d'avoir la VM Java, on va descendre beaucoup moins bas niveau, puis on va se retrouver bloqué assez rapidement. Okay. Donc en fait, on est coincé par l'optimisation que va faire Apple de la JVM et comment c'est intégré avec le hardware. Avec Apple, on peut descendre aussi bas niveau qu'on veut, mais au niveau du GPU. Et puis tu peux avoir toutes les performances que tu veux, quoi. Quand tu vois en fait les jeux vidéo, on regarde sur entre Android et puis iOS, des jeux vidéo comme Infinity Blade sur Android, je les ai toujours pas vus. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, y en a pas. Ah non. Mais parce qu'en fait, le problème aussi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le problème de la JVM Java, c'est qu'en fait, tu es obligé de réécrire le jeu en Java ou alors d'utiliser ce qu'ils appellent un NDK, un Native Development Kit, qui n'a jamais été stabilisé chez Google. C'est-à-dire que les jeux vidéo, ils sont écrits en C, C++, et sur la plateforme d'Apple, tu peux les faire tourner nativement. Ah ah! Tu peux compiler directement du C, C++ optimisé directement sur la plateforme d'Apple, c'est compatible entre les deux. Donc du coup, les portages de jeux, ça se fait immédiatement, quoi. C'est pour ça que tu vois des jeux PS3 qui ont été PS2 qui ont été portés, Xbox, Xbox One, enfin tous les jeux PC. Tu vois, t'as Max Payne qui est là parce que tout ça a été porté directement sur cette plateforme-là. Donc ça, c'est un gros avantage de la plateforme iOS. Et au niveau des frameworks, ils ont vraiment, c'est très très bien écrit. Là où pêche Apple, je trouve, comparé aux autres, c'est en termes de framework de haut niveau. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un peu de développement iPhone, mais tu as quelque chose qui s'appelle UIKit. Vincent en fait, oui. C'est pas vraiment toujours l'idéal. Donc là, ils ont introduit des nouveaux composants graphiques qui sont un peu similaires à certains que tu peux trouver dans Java. Mais bon, c'était pas si génial que ça. Là-dessus, je trouve qu'ils sont un peu en retard par rapport à la compétition en termes d'outils de programmation. Tu vois. Okay. Alors que quand tu travailles avec Xcode, tous les outils autour d'Xcode et de la programmation de base, ça marche vraiment super bien, c'est hyper bon. En termes de framework, il devrait peut-être faire quelque chose de plus haut niveau. Mais tu sais, le problème d'Apple comparé à Google, c'est que Google, c'est une compagnie qui travaille quasiment de développeur à développeur. Google, c'est une compagnie de développeurs en premier. Okay. Ils font des outils pour eux et pour les développeurs. Apple, c'est pas une compagnie pour les développeurs. Tu vois, ils font des features pour eux. Et quand ils trouvent que les développeurs pourraient en avoir besoin, ils release ce framework en public. Mais les features que tu as dans ces frameworks, c'est des features que tu les vois, c'est des faits pour leurs apps à eux en premier. OK. Donc, tu veux dire, les API privées, les API publiques, c'est de ça qu'on parle. Là. C'est quand eux autres font des trucs. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est un peu comme l'API... On a vu dans le iBook où on pouvait tourner des pages, on a vu apparaître des API open source, mais finalement ils ont ouvert ce framework là pour que tu puisses travailler avec les pages, puis là c'est beau. Parce qu'avant c'était un peu saccadé. Ce que tu vois en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que des fois en fait, ce qui drive l'API de UIKit, c'est les features qu'ils vont mettre dans leur produit. Donc en fait, juste en voyant les nouvelles applications qui sortent, tu peux imaginer dans un an ils vont exposer telle API. Et puis, ça manque pas, ça arrive. Tu vois, par exemple, quand ils ont sorti Pages, ils ont fait beaucoup de traitements de texte. Version suivante d'iOS, tu avais des fonctions et des API pour gérer du texte. Mais ils ne l'ont pas sorti sans avoir, eux, des produits et en avoir besoin. Donc, en fait, les API sont drivés par leurs propres besoins. Ils disent, tiens, on veut faire telle app. Ah, il n'y a pas ça dans la plateforme, donc on va le faire. Et c'est pas drivé des demandes des développeurs ou des besoins généraux, comme peut faire Google, par exemple. Google, c'est très orienté développeur. OK. Microsoft aussi. Sinon, est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu que tu peux nous dire qui est intéressant en termes d'API qui est dans iOS 6 puis qu'on risque de voir des nouvelles fonctionnalités ou des trucs apparaître avec ça? Ben, écoute, ils ont parlé évidemment de Google Maps, enfin de Maps d'Apple. Donc, ils n'ont pas changé d'API au niveau de Maps. Donc, ça va changer complètement. C'est complètement transparent pour les développeurs. Tu prends le même composant, tu as exactement la même fonctionnalité, sauf que c'est Maps. Okay. Ils n'ont pas augmenté beaucoup d'API, mais tu vois, tu as un peu plus d'interaction entre tes applications et Maps. Tu peux mieux contrôler Maps depuis une application. Donc, quand tu vas launcher Maps depuis une application, tu peux déjà préconfigurer les routes, afficher plusieurs pins, changer les descriptions de certaines pins, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu vois. Okay. Donc ça va être plus sympa. Après, en termes d'API, c'est plus des objets... tu vois, ils ont exposé, par exemple, des objets pour faire des slideshows plus facilement. Ils ont exposé des objets pour faire des vues de photos comme sur l'iPad. Tu sais, l'application iPhoto sur l'iPad, dans laquelle tu as une grille de photos que tu peux pincher et que tu peux manipuler. Ça, c'est maintenant, c'est une API. OK. Tu vois. Et puis les grosses choses qu'ils ont fait, ils ont introduit aussi un système de layout automatique, donc ça c'est peut-être un peu technique. Ils ont porté une feature qui était dans macOS 10 Lion. Okay. Pour pouvoir faire du layout automatique, c'est-à-dire positionner des boutons et des éléments graphiques automatiquement quand leur contenu change. Je voulais, on voulait. C'était pas déjà là avec les espèces de flexible bar là. Ouais, mais ça c'était vraiment basic, man. C'est le ouais, le flexible bar. Est-ce que ça joint là-dessus? Non, c'est un autre système complètement différent. Est-ce que, la news qu'on a vue cette semaine, c'est que cette fonctionnalité-là, qui est appelée auto-layout, si je ne me trompe pas, en fait, il y a des gens qui se demandent si ce n'est pas ça que Apple utiliserait pour tweaker le 0.5 pouces de plus d'écran qu'ils mettraient possiblement sur l'iPhone 5. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois ou ça n'a rien à voir? Non, si. Écoute, c'est une technologie qui permet de faire ce genre de choses, d'être plus flexible dans ses layouts plutôt que les hard-codés pour une certaine taille d'écran. Okay. Tu vois, ça permet aux développeurs d'être plus flexibles, de supporter des choses. Mais déjà, dans un téléphone, tu as déjà tout le problème. Tu vas avoir des problèmes de rotation, des problèmes d'orientation dans lesquels tu veux refaire le layout de l'app et que ce soit plus dynamique. Et surtout, Apple a vraiment insisté. Je pense que AutoLayout a été dans OS X, dans Lyon. AutoLayout avait été introduit surtout pour la localisation. Il montrait, tu sais, une dialogue box en français et en allemand. Il disait, ben voilà, le problème, c'est quand on passe en allemand, les boutons sont trop gros, le texte n'est pas centré. Donc, avec AutoLayout, tu peux demander au système, garde-moi les bonnes proportions, quelle que soit la taille du contenu. Ah, OK. Et Apple a vraiment insisté sur la localisation. Et moi, je pense que c'est la réponse d'AutoLayout pour dire, si vous voulez localiser votre application en arabe, en allemand, en chinois, et que vous voulez que votre layout s'adapte sans que vous fassiez chier, utilisez AutoLayout. Leur objectif, ça a été vraiment de faire ça. Et tu vois, par exemple, ils nous ont passé une vidéo avec. Ils nous ont donné des stats en disant que 9% des App Store n'étaient pas localisés dans leur pays d'origine. Oh. Donc en France, par exemple, seulement 9% des apps sont en français. Et ça, ils disent, c'est une grosse opportunité que vous manquez à faire uniquement de l'anglais. Et comme Apple vient d'ouvrir des stores, d'autres stores en Chine... 32 nouveaux pays, je pense, qui ont été releasés. Et ils ont fait des démos, par exemple, dans lesquelles iOS 6 supporte, par exemple, les langues comme l'arabe, dans lesquelles l'interface change complètement automatiquement et la navigation devient à l'envers. Ah oui. Peut-être en chinois qui lise de l'autre sens. Ouais. Donc là, du coup, si tu combines les composants qui sont en place automatiquement, plus du auto-layout dans ton app, tu pourrais supporter automatiquement des changements de langue. Je pense principalement, ils ont donné les outils aux développeurs pour faire la localisation efficace. Après, ce système, nous, en interne, on a voulu s'en servir pour faire autre chose que des petits boutons. C'est un peu trop compliqué, je trouve. C'est pas l'idéal. C'est bon. Sinon, JF. Ça prend pas beaucoup de temps. Oui. Bon, on va finir après. J'ai une question. Est-ce que tu as essayé l'application Passbook? Je ne l'ai pas essayé. Elle ne marche pas sur l'iPad. J'ai installé iOS aussi sur l'iPad et bizarrement, elle n'y est pas dessus. Non, c'est ça. Mais est-ce que WWDC est active ou non? Ah non, je ne sais pas ça. En fait, tout ce qui nous a donné accès, c'est à l'API et tout ça. Mais pour l'instant, tu l'ouvres, C'est comme Newsstand, elle est vide. Et elle te dit, il faut que tu aies la bonne app pour mettre du content dedans. Ouais, il y a un site qu'on a trouvé, par exemple, mais ouais, c'est exactement. Ça. Il y a un site qui fait, vous tapez certaines informations, puis il va vous créer une carte. Une carte pour mettre dedans. Ouais, c'est ça. Parce que ça marche avec les. Le truc cool avec ça, c'est que ça marche avec les websites. Tu peux envoyer comme une V-card, si tu veux, une description de carte, puis ça va se mettre dans Passbook directement. T'as pas besoin de. Avec un fichier PHP, je crois, ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ou en fait, ça génère un JSON qui s'appelle pass.json. Okay. Et en fait, dedans, tu crées ta carte à l'intérieur. Donc, tu pourrais très bien être sur un website qui génère un coupon et boum, le coupon arrive dans Passbook. Parce qu'au début, ça, je ne le savais pas. Ça. Je pensais qu'il fallait absolument une app pour interagir avec Passbook. Mais non, tu vas sur un website, au lieu de télécharger un coupon ou le saut en PDF ou whatever, ou dans un email, tu peux télécharger un Passbook qui va arriver dedans. Puis du JSON, ça pèse rien, donc c'est assez intéressant. Ouais, c'est tout. Ouais. Excellent. Sinon, du côté de Wear Cloud, vous êtes en train de travailler sur des trucs, j'imagine? Ah bon, on travaille toujours sur des trucs. Puis avez-vous des primeurs? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient dont tu peux nous parler? Ben écoute, nous on a, bon, on travaille toujours en fait pour des clients principalement. Ouais. C'est ce qu'on fait, c'est une compagnie de un studio de création de solutions mobiles. Mais là on a lancé en fait un website, on a fait un soft launch à WWDC qui s'appelle appcontrol.net. Ok. Et en fait finalement, pendant ces trois dernières années où on a beaucoup fait d'applications, on a fait peut-être une 20-25 applications, tu vois. On s'est retrouvé à écrire beaucoup de fois le même code. Donc on s'est dit, ben écoute, bon, on a créé un propre framework au-dessus d'iOS pour aller plus vite. Okay. Puis on s'est dit, ben écoute, toutes ces technologies-là, on va les mettre à l'extérieur pour que les gens puissent les télécharger, les utiliser. Donc ah, en fait, AppControl, c'est notre suite de tools qu'on va mettre à disposition aux développeurs d'ici quelques mois, le temps de packager tout ça. Donc pour l'instant, le website est up, donc c'est un peu du discours marketing. Là. Ouais. On a un framework de développement d'app, on a un framework d'animation 2D pour jouer du Flash, qu'on s'est fait en interne chez nous. Parce qu'on a porté un jeu vidéo pour une compagnie, donc on s'est dit, bah, c'est le content était en Flash, on s'est dit, bah, écoute, on va essayer de se faire un player Flash. Puis on s'est dit, bah, ça pourrait intéresser d'autres développeurs. Et puis on va avoir d'autres systèmes comme ça. Donc, ça, intéressant. On va mettre Vincent là-dessus pour qu'il aille regarder ça un peu. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore fait d'app pour nous. Là. On va peut-être en sortir une qui va être plus une app, une petite app d'amusement. Là. OK. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une app pour nous et je pense qu'on va commencer à avoir envie d'en faire une autre. Là. Excellent. Ben, merci beaucoup, Fred. Nous, on doit basculer au prochain show qui sont les amateurs de Mac Bonsoir. On va faire ça sur les chapeaux de roue comme toujours parce qu'on n'a même pas monté le document, ou en tout cas, je ne l'ai pas reçu. Donc, j'espère que les gens vont basculer au show et qui ont des questions à nous poser. Si tu veux te joindre à nous, en fait, Fred, tu peux. Tu sais c'est quoi, je pense, un peu. C'est notre show où est-ce que les gens viennent nous poser des questions et nous, on a des réponses pour eux. Juste avant de partir, je voulais te demander, juste pour être sûr, pour les gens qui écouteraient et pour qui c'était pas clair. Toi, tu fais ça depuis longtemps, programmer des applications. Pour toi, quelle est la plateforme la meilleure entre Android et iOS? Là? Ben, pour l'instant, moi, je dirais que c'est Android. C'est iOS, pardon. Quel lapsus! Il y a quelqu'un qui était content dans le... J'ai fait exprès. Ah ouais, il y en a qui... Non, mais en fait, c'est surtout iOS pour la puissance de la plateforme, pour les développeurs, mais aussi pour les opportunités de marché. Et en plus, tu sais, le monde chiale beaucoup, puis c'est vrai que la plateforme est fermée, mais en même temps, c'est un inconvénient, mais en même temps, ça peut être un avantage justement au niveau des ressources, au niveau de tout, là. Ben, en voyant le 150 milliards de dollars que Apple a généré depuis 5 ans avec le iPhone, 5 milliards de dollars qui ont été remis aux développeurs, je pense qu'il y a du monde qui peut faire de l'argent. Ils nous ont donné des chiffres. Il y a 400 millions de comptes avec carte de crédit sur l'App Store. Et en fait, sur Google Wallet, qui était obligé, on ne sait absolument pas combien il y a de gens, mais honnêtement, de tous les développeurs que je connais, personne n'arrive à vendre quoi que ce soit sur l'App Store, sur le Google Play. Donc en fait, en termes d'opportunités de marché, c'est vraiment plus intéressant. Puis surtout aussi, Apple prend vraiment soin de sa plateforme. C'est-à-dire quand il fait des updates de software, c'est diffusé sur toute sa plateforme. Il y a eu 80% d'adoption d'iOS 5 en quelques mois. C'est-à-dire 80% de part de marché pour iOS 5, 7% de part de marché pour Android 4. Sur tout le marché. Donc au niveau des développeurs, c'est l'enfer. Hein. Donc pour Android 4, on n'en parle même pas là. Ben non, là, ils ont annoncé 4.1 aujourd'hui. Ben oui. 4.1, il va avoir dans 6 mois, il aura 1%. Ben moins. Oui, ce sont déjà à 7%. C'est comme. C'est ridicule. Non, ils sont 7%. Ouais. Mm. Donc pour moi, en fait, je conseille encore, on conseille toujours à nos clients d'aller sur iOS en premier pour avoir le plus de gens qui vont utiliser l'app, puis que nous, on puisse passer notre temps à fine-tuner le design. Comme il y a un seul téléphone, un seul modèle. On peut aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Puis après, si ça marche, on fait un portage Android. Mm-hmm. Et on va faire un choix de plateforme. On va leur dire, ben, désolé, il faut faire du Android. On fait 2.3, puis c'est tout. OK. Android et Windows Phone. Lequel? Pour l'instant, moi, là, c'est Android. Ils ont plus de parts marché que Windows Phone. Donc, pour les développeurs, Windows Phone, c'est une très belle plateforme. Il y a des très, très bons outils. Parce que Microsoft, c'est leur spécialité. Les outils de dev sont excellents. Mais pour l'instant, ils n'ont absolument rien. Mm-hmm. Et puis, tu vois, tous ceux qui ont investi dans Windows Phone 7, Windows Phone 7, c'est plus compatible avec le 8. Mm-hmm. Donc là, c'est un peu le shit sandwich, tu vois. Ouais. Tout le monde ça fait chier tout le monde, tu vois. Donc, tu t'es fait chier. Tous les gens qui ont acheté un Nokia, ils se retrouvent pognés avec Windows 7 et puis tu peux rien faire. Là. Non, c'est ça. Bon, ouais. Je vais arrêter ça, ce show-là, mais j'aime toujours ça inviter Fred parce que on dirait que quand lui dit que Android c'est de la merde avec son accent, ça fesse toujours plus. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Messieurs, rapidement, Fred, tu vas nous le dire aussi. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? On peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller ou sur mon site web vmiller.ca. Excellent. Fred, où est-ce qu'on peut retrouver les bonnes gens de WearCloud et où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Ah, ben nous, c'est WearCloud.com, toujours pour le website corpo. Sinon, ça va être sur Twitter / WearCloud ou pour moi, Twitter / F. Brunel. Puis à partir de là, on peut aller naviguer partout. Excellent. Et GF, où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook.com. Ouais, ouais, aussi. Mais là, je pense que tu prends juste du monde que tu as déjà rencontré. Ouais, c'est ça. Twitter, c'est le mieux. Oui, voilà. JF, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, c'est à JFroy1979 sur Twitter, Facebook, Google+. Imaginez. Excellent. Pour ma part, en ce moment, vous pouvez me retrouver sur alexiscornelier.com. Je travaille beaucoup en ce moment, donc j'en suis très content. Puis c'est comme le site est arrivé, puis je travaille beaucoup, fait qu'il doit avoir quelque chose avec ça. Merci Vincent pour le site web. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter au Alex Cornelier. Et où est-ce que vous pouvez me retrouver d'autres? Ben, dans Diablo, là, Almapex / 1634. Mais je vais de moins en moins. Ah, ben oui. Almapex, c'est quoi? C'est Pound 1634. Mmh. Donc, rajoutez-moi, voilà. Et sinon, on se dit encore dans 2 semaines. J'espère qu'on va avoir plein de nouvelles Apple d'ici là. Salut bien tout le monde. Bye bye. Bye. À plus. À plus.